is dying. Why did you stop trying? I've never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing, same ass excuses. Boy, you're useless. Whoa. Shut up. C'est ce que nous recommandaient il y a quelques années déjà les Black Eyed Peas, dont le nom désigne une légumineuse tropicale qui peut se traduire par « dolique à l'œil noir », un petit haricot cultivé au Tchad, un pays du Sahel, désert comme l'île de Robinson où ils ont cru Zoé. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de mettre à l'honneur ces longs moments durant lesquels l'être humain est séparé de ses contemporains, à savoir la solitude. La solitude, c'est un état protéiforme. Ça peut être celle de l'enfant qui a perdu son doudou, ou bien celle du vieillard face à la canicule. Mais une forme particulière de cet état d'isolement, c'est la solitude du pouvoir. Car malgré la présence constante des courtisans, l'homme puissant est infiniment seul. Ainsi, la solitude peut être considérée comme un passage obligé pour celui qui veut s'imposer. C'est d'ailleurs ce que fit le trentenaire Jésus, juste après son baptême dans les eaux du Jourdain. Il quitta Nazareth et parti vivre seul durant 40 jours dans le désert. En vacances dans le désert, on part tous prendre l'air. Prends la poudre de riz, moi je prends l'ecstasy. Dans ces toilettes d'enfer, on va tous se les faire. En tournée dans le désert, on part pour prendre l'air. Jésus est donc parti vivre peinard en solitaire dans le désert. Seulement voilà, au bout de 28 jours, le diable en a profité pour le titiller avec ses tentations. Et à partir de ce moment-là, pour Jésus, la solitude fut plus difficile à supporter. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Jésus a donc quitté le désert au bout de 40 jours de solitude, une expérience difficile pour lui, après laquelle d'ailleurs on ne l'a plus jamais revu seul, toujours en train de zoner avec une bande de 12 potes. Jésus a donc tâté volontairement à la solitude. Et ce n'est pas étonnant, car être seul, c'est une tradition dans sa famille. Tiens, d'ailleurs, sa propre mère, Marie, ben... Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Où elle a fait un bébé toute seule. La Vierge Marie a donc fait toute seule ce bébé qui, à l'âge de 30 ans, s'était retiré dans le désert. Cette conception positive de la solitude, comme un passage obligé dans la construction de l'individu, est ensuite reprise tout au long du Moyen-Âge. Seigneur Léodagan ? Je passe un peu pour voir. Vous passiez pour voir quoi ? Ah, parce qu'ils disent que vous êtes retiré, ah, tati, tata, comme quoi vous auriez besoin d'être seul, enfin... Oui, en effet, oui. Ben voilà, alors du coup, je passe. Non, parce qu'ils disent, hein, ils disent chevalier errant, mais bon, ça, hein, ça veut tout dire et puis ça veut rien dire, hein. Ah bon ? Bah oui. Là. Bon, bah tiens, pour vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que, je veux dire, comment vous vous le... Bon, non, chevalier errant, ça, hein ? Eh ben, au lieu d'être un chevalier parmi les autres chevaliers, ouais, de partir en mission avec les autres, de combattre le mal avec les autres, voilà. Je suis tout seul. Ah, Seigneur Lancelot, alors, racontez-moi un peu votre petite retraite. Est-ce que vous arrivez à vous recentrer sur vous-même comme vous le souhaitiez ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. C'est le leitmotiv des ermites retirés dans le désert ou bien des stylites sans cesse dérangés par les fidèles qu'ils attirent. Car la solitude, si elle est parfois recherchée, peut être bien évidemment subie. Il y a donc plusieurs formes de solitude. Comme te l'expliquait Maurice Schumann en octobre 1944, alors que la France n'est pas encore complètement libérée. 1944, solitude de l'Allemagne. 1940, solitude de l'Angleterre. Dans les deux cas, un pays seul tient tête. Peut-être Hitler, pour se consoler, s'est-il dit, ben voici seul, sans doute, mais seul comme l'Angleterre en juin 40, il est seul d'une autre solitude, et la différence entre ces deux solitudes enferme en soi tout le sens de la guerre. Partout où sur le sol allemand, il y a un non-allemand, Hitler entend grincer sa colère et ses chaînes. Partout où sur le sol anglais, il y avait un non-anglais, il y avait la liberté, et l'Angleterre, malgré tout, était heureuse parce qu'elle l'entendait chanter. Entendre chanter la liberté, c'est donc le signe du bonheur quand tu retrouves une solitude trop longtemps confisquée. Et vivre seul, sans occupant intérieur, c'est à tous les coups l'extase que certains voudraient connaître. Le Tour de France maintenant, aujourd'hui de Nancy à Strasbourg. Les coureurs ont pris le départ il y a quelques minutes et dans la caravane, Jean-François Rhin se fait de plus en plus de soucis pour Laurent Fignon, qui a un compagnon de route dont il se serait bien passé, la Vert solitaire. Tant que je ne suis pas au lit, alité, sans plus pouvoir bouger, je prends le départ. Bon, je ne suis pas à 100%, mais je prends le départ quand même. Ça va s'améliorer. Un Vert solitaire, c'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Ça ressemble à quoi, Laurent? À des pâtes. On en mange tous les jours, ben voilà. Il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Nul ne l'oblige à se taire, le solitaire. Mais il arrive aussi qu'il se taire, comme le fit le général de Gaulle de 1946 à 1958 durant sa traversée du désert. Mais parfois, la vraie créature solitaire, c'est celle que le monde croit très entourée et qui n'a plus qu'un seul appel à lancer. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant. Le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sur scène, c'était le vœu que faisait en 1983 la diva Dalida qui ne voulait pas partir dans la solitude. Alors que David Martinon, lui, son vœu c'est plutôt Neuilly sur scène, histoire de conserver ses habitudes. Alors, notre magnifique pendule nous indique qu'il est désormais 11h21 et après avoir évoqué les grands héros solitaires, il est temps maintenant de te prouver qu'en réalité, la solitude recèle des bienfaits insoupçonnables. Et pour entamer cette démonstration, mon ami, le mieux, c'est d'écouter le point de vue à ce propos d'un résident prestigieux et permanent du Mangin Palace. Tout seul, enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu, le repos bien aimé, le calme où rien ne vibre. En vérité, je n'ai vraiment l'impression que je suis libre que lorsque je suis enfermé. Ah, que c'est bon de s'enfermer. Et s'enfermer, d'ailleurs, n'est pas du tout le terme. Lorsque je fais tourner la clé, ce n'est pas moi qui suis bouclé. Ce sont les autres que j'enferme. Certes, il me semble qu'en faisant ça, je les enferme tous ensemble. Et oui, alors que chacun d'entre nous redoute bien souvent d'être seul au monde, Maître Sacha, le misanthrope, vient de nous murmurer qu'il n'y a pas plus grande liberté que la solitude. Mais il y a là paradoxe, me diras-tu, car dans son huis clos, Jean-Paul Sartre, lui, nous explique que la vie ne peut se ressentir qu'à travers les autres et que rien ne vaut la compagnie d'autres hommes pour nous faire prendre conscience de nous-mêmes. Certes, mais l'enfer, bon sang, c'est les autres, n'est-ce pas ? Lorsque tu voyages en train, par exemple, à côté d'un gros type dont la douche est en rade depuis Noël 82, ne préférerais-tu pas être seul ? Ou alors quand il s'agit de rentrer chez toi un peu tard, puisque le dîner entre mecs fut arrosé et qu'il faut se faufiler sous la couette sans réveiller l'autre, tout en dissimulant son haleine de poney, ne serait-il pas plus simple de vivre seul ? C'est pourquoi fais-nous confiance au final, rien ne vaut une bonne petite solitude bien choisie et bien organisée. N'est-ce pas, madame ? Alors, je me prénomme Micheline, hein, j'ai 30 ans des poussières, je suis célibataire et heureuse de l'être, complètement épanouie. Je me fais mes petites soirées bien tranquilles, bien peinardes, comme disent les jeunes, des petites soirées télé, des petites soirées restaurant, des soirées cinéma. Et puis, bah, écoutez, j'ai pas de soucis de choix de film ou de choix de nourriture, hein, puisque je suis... seul, avec mes amis, pas de soucis non plus, puisque je n'en ai pas. Voilà. Donc je recherche une personne entre 20 et 70 ans, même un chien ou une poupée qui parle, parce que là, je n'en puis plus. En vous remerciant. De rien, madame. Mais bon, c'est certain, mieux vaut être sublime et courtisée, Micheline, que seule et moche. Cela dit, même pour vous, Micheline, la solitude du célibat offre l'excitation d'une palette infinie des possibles à venir. Il faut savourer le moment de cette excitation, Micheline, prendre le temps de chasser la proie sexuelle. À l'instant, vous étiez prête à prendre n'importe quoi, même un clébard. Je dis non, Micheline. L'amour est avant tout la rencontre subtile de deux solitudes. Et pour cela, Micheline, il faut en profiter pour parcourir le monde. Allô Paris, ici Capri. Le congrès international des célibataires vient d'avoir lieu à Capri. Initiative bizarre, commencée comme une plaisanterie et terminée par quelque chose de fort sérieux. Le problème des cœurs solitaires dans le monde a été posé. Les congressistes déambulaient gravement à travers les ruelles étroites entre des séances de travail et des bals. Le comité les avait reçus, le jour de l'inauguration, par une sorte d'hymne officiel. Une toute jeune capriote va nous le chanter. Et puis, parce que la jouissance doit être au centre de la vie de chacun, je crois, chers amis, qu'il faut dès à présent soulager la solitude de Micheline en lui faisant découvrir un plaisir simple que nous connaissons tous, bien entendu. Pour un plaisir sain, sans complications et très sécuritaire, pas de maladie, pas de scène de ménage, la masturbation, c'est le plaisir des gens prudents. Puis il y a juste ma main qui n'a pas de belle-mère. Kili, kili pour les grandes filles. Trois petits coups les garçons. Quelle soirée parfaite! Pas de souper onéreux et ennuyant, pas de fleurs à offrir, pas de vêtements appropriés à choisir, aucun risque de grossesse et surtout, pourquoi s'embarrasser de partenaires tartes? Mesdames, joignez-y le gadget de votre choix, n'oubliez pas les piles. Messieurs, allongez-vous devant la télé, une production suédoise est tout indiqué. Je commence quand ça me tente, j'arrête quand ça me tente, aucun mal de tête, c'est vraiment la. Et oui, Micheline, vous êtes seule, mais ce n'est pas sale. Car, comme dirait Woody Allen, se masturber, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime profondément. Pensez-y, Micheline, quand... Enfin, d'ailleurs, avoir le temps de la réflexion, justement, eh bien voilà encore une offrande rare que nous offre la solitude. Les solitaires ont en effet cette faculté formidable et parfois salvatrice de savoir prendre de la distance. Si les problèmes du monde vous agacent, si vous êtes stressé, si vous recherchez la solitude, sachez enfin qu'une agence immobilière américaine vous propose plusieurs terrains de 2 hectares chacun pour seulement 25 $, c'est-à-dire au cours d'aujourd'hui environ 142 francs. Seulement, il n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni téléphone, et le voisin le plus proche est à 380 000 km. Ces terrains se trouvent en effet sur la Lune. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 16 hectares ont déjà été vendus à des Américains aimant la solitude. Alors là, Micheline, irrémédiablement, je sens monter en vous toute votre angoisse, fuir définitivement le monde pour aller vous installer seul sur ce satellite naturel. L'horreur, pensez-vous ? Eh bien, je dis non, Micheline, car figurez-vous qu'une fois perché sur la Lune, vous auriez tout le loisir et la hauteur nécessaire pour vous prêter à l'une des activités nocturnes les plus enviées de nos amis solitaires. Et là encore, Micheline, vous auriez rendez-vous avec le plaisir, coquine. Moi, j'épie en secret les yeux d'or des façades d'en face. J'envahis vos intimes décors sans y laisser de traces. Je sais tout, je vois tout, tous les faits, tous les gestes. Et quand le rideau tombe, j'imagine le reste si tentant que je ris, je frémis, je brûle de belles fièvres éperdues de désir en songeant à des lèvres s'unissant. Alors maintenant, afin d'achever notre démonstration pour te convaincre que la solitude, Micheline, peut offrir moult plaisir, nous allons immédiatement céder la parole à un expert en la matière. En effet, ce vieux loup de mer de Benoît Poulvorde va te prouver que naviguer en solitaire dissimule certains trésors. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. La traversée de l'océan en solitaire. De tout temps, le grand bleu a fasciné les hommes. On ne compte plus les marins intrépides, les aventuriers inconscients qui ont défié la mer, seuls sur leurs coquilles de noix. Mais ces chevaliers modernes, ces Don Quichotte de l'océan, que cherchent-ils au fond ? Je viens pour vous aider. Ah, bah, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de faire quelque chose, bien sûr. Parce qu'il y a nous, mais c'est toute la France. C'est toute la France qui crève. Et pourquoi je ne suis pas là ? Je suis là. Alors, attendez. Il y en a marre. Eh bien oui, écoutez, il y a les autres, ils n'avaient qu'à venir avant. Ils venaient pas. Moi, je viens. Ce qu'on cherche, Nicolas. Mais c'est très simple, Moussaillon. C'est le danger qu'on cherche. Retrouver notre instinct de survie face aux éléments déchaînés. Bah descends, on peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire. Viens. La mer appartient à ceux qui ont les moyens. Hein. 60 cabines, 27 salles de bain, 3 pistes de danse, un sex shop, un cinéma, casino, piscine, jacuzzi. Et tout ça pour qui ? Pour moi tout seul. Je n'accepte pas les insultes à l'endroit des pêcheurs et je n'accepte pas les insultes des pêcheurs à mon endroit. T'es impoli avec ça. Moi, les gens impolis, c'est vite fait, tu sais. Un grand coup de pompe dans le cul. Merci qui ? Merci mon chien ? Non, hein ? Allez, on vous remercie, bonsoir. Little blue mare, the next letter. Little blue mailbox, wonder if you'll ever make me feel better. Looking at the street light, when it's lit there'll be a night. Waiting, I fumble with the paper, see the words you wrote are already fading. I've been waiting, now it's time for Little Blue Mailbox, c'est l'arme contre la solitude du chanteur britannique Fink. Parce que seul devant son ordinateur, Fink ouvre sa boîte mail, puis surfe sur le web à la recherche de nouveaux amis ou de promotions sur les massages thaïlandais. Alors maintenant, pour prolonger en solo notre investigation des divers aspects de la solitude, il est temps à 11h33 d'évoquer ici les animaux, dont l'existence se caractérise surtout par leur isolement. Parmi ces grandes figures animalières, il y a bien entendu l'ure du vieux sanglier qui bagnaude dans la forêt. Comme animal solitaire, on recense également le vieux loup retiré de la meute. Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est une bestiole encore plus isolée en ce moment, à savoir le leader de l'opposition. Ainsi, cette semaine, le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, a pris réellement conscience de son isolement quand il est arrivé rue de Solferino, au siège du PS, lundi dernier. Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Help ! Help ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et non, il n'y a plus personne. Tous les leaders du PS ont l'air de mener leur opposition en solitaire. Et pour François Hollande, qui est tout de même le chef du parti, merde, cette situation doit cesser. Alors, François a immédiatement convoqué Laurent Fabius et Jack Lang dans un restaurant parisien pour leur parler de l'avenir du parti et du sien au passage. François Hollande leur explique alors qu'il se sent seul, ce qui n'a pas du tout l'air d'émouvoir ses petits camarades. T'es le plus heureux des hommes, toi, hein ? Ah ouais ? Ah ouais. Tu fais quoi ce soir ? Je rentre à la maison. Et toi, tu fais quoi ? Je rentre à la maison. Ben moi aussi, je rentre à la maison. Seulement moi, il n'y a personne qui m'attend. Vas-y, tu vas me faire pleurer, toi. Ah, ouais. Le rêve ? Ah ouais, le rêve. Pourquoi ? Tu crois pas que ça m'angoisse, moi, de rentrer à la maison et de pas savoir avec qui je vais manger, avec qui je vais me coucher ? Moi, je sais avec qui je vais me coucher, putain. Mais le matin, tu crois que ça me fait plaisir ? De prendre mon café tout seul comme un chien ? Ou alors de me réveiller avec une gonzesse que j'ai envie de massacrer dès que j'entends le son de sa voix ? Non, mais vous croyez quoi, les mecs ? J'ai pas le droit, moi aussi, à avoir une femme, des enfants ? Là, allez, tu sais pas de quoi tu parles. Non, c'est toi qui sais pas de quoi tu parles. Oui. Bon, bah, c'est vrai qu'au PS, en ce moment, personne ne sait vraiment de quoi il faut parler. Cela dit, François Hollande, qui souhaite mordicus rompre sa solitude, décide de prendre les conseils d'un homme orfèvre dans l'art de s'intégrer, le complaisant Bernard Kouchner. François Hollande s'est donc rendu au Quai d'Orsay, où il a été immédiatement reçu par le ministre des Affaires étrangères. Bernard Kouchner avoue à François Hollande que lui aussi, parfois, il se sent un peu seul dans ce gouvernement et qu'il regrette, mais rarement, d'avoir laissé tomber ses camarades socialistes. Tout en enfouissant mes malheureux compagnons, je l'avoue, je ne pensais qu'à mon propre sort. J'ignorais sur quelle terre j'avais échoué, dans quel pays, parmi quels gens. Je me demandais si je survivrais à une nuit passée là. À plus forte raison, une semaine, voire un mois. J'ai passé ma première nuit en n'osant imaginer quel danger pouvait rôder autour de moi. Et j'ai sommeillé en me demandant combien de temps un homme pouvait résister sans armes, sans nourriture, sans présence humaine. François Hollande se dit que tout de même, ça n'a pas l'air d'être la fête tous les jours au gouvernement. Toujours est-il que François n'a pas réglé les problèmes de solitude qui plombent le Parti socialiste. Alors, aux grands mots les grands remèdes, il décide malgré tout d'appeler Ségolène Royal pour la convaincre de reformer une meute d'opposition avec les autres, Jacques, Laurent, Lionel et Arnaud. Mais Ségolène, elle n'a pas encore tout digéré. Moi, je préfère rester toute seule, sous leurs ailes innocentes. Ce sont de vrais brigands, quoi qu'ils me veulent. Moi, je préfère rester toute seule. Toute seule. François Hollande se dit qu'elle exagère un peu ses goûts quand même. Elle n'est pas toute seule, merde. Avec elle, il y a... elle n'est pas toute seule, quoi. Mais ce que François ne sait pas, c'est que depuis l'échec à la présidentielle et après les nombreuses critiques, Ségolène, elle se sent très isolée. Au début, j'ai commencé par ne plus dormir. Et puis j'ai perdu l'appétit et même le goût des aliments. Ma petite dépression se porte bien. À coup de cacheton, je l'entretiens. D'ailleurs, j'avais plus goût à rien. On tombe au fond du trou. Sans comprendre ce qui se passe. Je soigne mon stress et tous mes complexes avec du sopalin et du Kleenex. Sans comprendre, c'est ça le pire. La dépression est une maladie qui touche plus de 3 millions de personnes en France. Bon, Ségolène, elle a encore 3 millions de personnes avec elle. C'est pas si mal. Surtout que Ségolène, elle a une idée royale pour sortir de la solitude. Elle a décidé de reprendre contact avec un autre vieux mâle solitaire, l'informaticien François Bayrou et son modem, plutôt 56 kilobits d'ailleurs que du haut débit. Sauf que François Bayrou, il n'est pas encore tout à fait prêt à sortir de sa solitude. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Oui. Là c'est clair, François Bayrou est en pleine crise de solitude. Alors, pour s'en sortir, François, il décroche son téléphone. Allô, Détresse Amitié. Bonjour. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Ce que c'est que d'être debout, c'est ça qui me frappe. C'est cela, oui. Chaque homme est digne de la même attention à quelques degrés de l'échelle sociale qu'il soit. Ça aussi, c'est une solitude. Et elle touche des millions de gens. Peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée. Chez les plus pauvres, il y a autant de richesses humaines que chez les plus riches. C'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveillon à côté de chez vous. On ne doit pas, on ne doit jamais ficher la paix aux nantis. C'est cela, oui. Eh bien, monsieur, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Nous formons dans la société une chaîne. Et la solidité de la chaîne, elle se mesure à la solidité du maillon le plus faible. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non. C'est quand le maillon le plus faible claque que la chaîne claque. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Je pense qu'on est une société de plus en plus dure. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et moi, j'aimerais bien une société où on est reconnu pour ce qu'on est avant d'être reconnu pour ce qu'on fait. Ça aussi, c'est une solitude. Oui, mais non. Attendez de toucher le fond, monsieur. Et là, un bon coup de talon et vous remontez à la surface. Moi, je marche et je fais de la montagne plus que je ne fais de jogging. Tout n'est pas tout noir dans la vie, non ? Il y a beaucoup de gris ! Il y a beaucoup de gris. Tout compte fait, ça ne dérange pas tant que ça François Bayrou d'être au centre, entre le noir et le blanc, bien sûr. Et puis, François Bayrou, à bien y regarder, il n'est pas vraiment seul. Non, je ne suis jamais seul. La solitude. Non, non, non, je ne serai jamais seul. Avec ma solitude. Oh là là, c'est clair, en ce moment, c'est la grosse traversée du désert pour l'opposition. Et la solitude, ça fait peur. À tel point que certains sont prêts à tout pour y échapper. Bon, Bernard Kouchner, on l'a vu, il assume complètement son choix d'avoir rallié le président de la République. C'est vrai ça. En allant au gouvernement, Bernard, il était certain d'échapper à la solitude. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Qui m'aurait dit que je me serais lié d'amitié avec un sauvage ? J'ai compris qu'il appartenait à un autre monde, gouverné par Satan, assurément. Moi, Robinson Crusoe, j'avais pour devoir de pourchasser le mal dans mon royaume. Ainsi, Bernard Kouchner semble avoir la même opinion de la présidence Sarkozy que son premier ministre François Fillon, le chef du gouvernement. Mais pour finir, dans le sauve-qui-peut face à la solitude dans l'opposition, il y en a un qui a adopté les grands remèdes, la fuite à l'étranger. Et ainsi, Dominique Strauss-Kahn, un beau matin, il s'est levé, il a fait ses bagages et il s'est fait la belle en leur disant ciao. Una mattina, mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. E se io muoio partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. Ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, une reprise ukulélé par Thomas Fersen sur son album intitulé « Gratte-moi la puce ». Parce que lorsque la puce te démange, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un sous la main plutôt que de se gratter tout seul. Alors, il est grand temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux célèbres solitudes dont nous provoquons sans cesse la rencontre, pour le meilleur et pour le pire, ce couple surréel, bien sûr, que forment aujourd'hui Jean-Claude, ce fils unique, et Monique, ce sublime diamant 18 carats. Avant tout, si tu l'ignorais jusqu'à présent, sache que Monique est une accro de la radio, car elle déteste le silence de la solitude. Du coup, dès qu'elle est seule, dans sa bagnole, dans sa cuisine ou le matin dans la salle de bain, immédiatement, elle se branche sur 87.7, une station de service public chargée de créer du lien social. C'est ainsi que samedi, vers 13h, en pleine préparation d'un gratin de courgettes, Monique, comme d'habitude, était à l'écoute. Un nouvel ami pour la nouvelle année, c'est le thème d'une grande opération lancée par France Inter et le journal La Vie pour Noël et le jour de l'an. Avec l'appui de nombreuses associations, l'objectif est en fait de lutter contre la solitude. Nous allons donc diffuser des reportages et des interviews sur ce thème. Courant décembre, des journées interservices seront consacrées à cette solitude qui touche des milliers de personnes. Un nouvel ami pour la nouvelle année, une grande campagne contre la solitude qui débute donc aujourd'hui. Après cette information essentielle, Monique fut prise d'un terrible remords. Voilà des mois en effet qu'elle ne s'est pas préoccupée de Martine, une amie divorcée et qui vit seule maintenant depuis de nombreuses années. Soucieuse, Monique a donc convaincu Jean-Claude d'inviter Martine à dîner samedi soir dans une pizzeria de Grosboul-les-Bains. Au restaurant, Monique fut très vite rassurée car malgré la solitude, Martine est en très grande forme visiblement. D'ailleurs, elle ne cesse de raconter des blagues désormais. J'en ai une autre. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Pourquoi ? Parce que les vibromasseurs tournent pas le gazon. Excusez-moi. Alors tu trouves pas ça drôle, toi ? Elle est en forme ce soir. En super forme. Faut que j'y aille. D'accord. Ok. Merci pour ce dîner, merci à ceux qui payent. C'est moi qui paye. Quelle formidable soirée entre amis. Monique règle donc l'addition et se sent soulagée d'avoir pris soin de Martine durant quelques heures. Seulement voilà, derrière cette apparence légère et détachée, au moment d'embrasser Monique et Jean-Claude sur le trottoir, Martine, cette femme qui vit seule, craque. Je veux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Je veux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Monique ne sait que répondre devant le désarroi de cette solitude que subit son amie Martine. C'est alors que Jean-Claude, lui, propose de sortir dans cette boîte de jazz où, paraît-il, selon lui, les âmes en peine viennent trouver du réconfort. C'est ainsi que nos trois compères se dirigent vers le Lonely Blues Club. Ce club de jazz, en effet, semble être le rendez-vous des célibataires de Grosboul-les-Bains. Au passage, Monique trouve un peu curieux que Jean-Claude connaisse cette adresse. Se sent-il lui aussi parfois si seul dans leur couple ? Toujours est-il que Martine semble être très heureuse de poursuivre sa soirée en compagnie de son amie Monique. De son côté, Jean-Claude s'est mis en tête ce soir de présenter un coquin à Martine. C'est pourquoi très vite, Jean-Claude discute avec ce type-là, accoudé au bar et célibataire endurci visiblement. Le problème des femmes, attention, j'ai rien contre l'espèce féminine, c'est qu'elles ne comprennent rien aux besoins de solitude de l'homme. C'est pas vous qui allez dire le contraire. L'homme est un animal solitaire, enfin... De temps en temps. J'y dis des bêtises ? Pas du tout, monsieur. Le mâle a besoin d'être seul. La femelle, jamais. C'est pour ça qu'il y a très peu de femmes astronautes ou chauffeurs de taxi. Ou gardiennes de phare. À la différence de l'homme qui est un excellent gardien de phare. D'un autre côté, aucun homme n'est une île. C'est vrai aussi. Intrigué par le caractère plus que solitaire de cet homme, Jean-Claude tente de comprendre un peu mieux la psychologie de son voisin de comptoir. Il lui offre donc un verre, puis deux, et après quelques digressions, cet inconnu solitaire finit par avouer à Jean-Claude qu'en réalité il est paumé. Seul, cet homme ne se sent bien nulle part. Comment dire ? Et je me sens comme de Villiers à Mykonos, comme une baleine dans Microcosmos, soit génétine à la fête de l'humain, comme Dark Vador au sauna. Jackson dans une maison de retraite, comme un mec pressé à la poste, comme un flic muté en Haute-Corse. Jean-Claude voit alors une occasion en or, comme il le souhaitait, d'essayer de régler à la fois les problèmes de cet inconnu et ceux de Martine, l'ami de Monique. Il veut les présenter l'un à l'autre. L'inconnu suit Jean-Claude jusqu'à la table où sont installées ces deux dames. Monique comprend très vite l'affaire et se lève aussitôt pour laisser ces deux âmes esselées faire connaissance en toute tranquillité. Qu'est-ce que vous avez ? Rien. Vous devriez me dire quelque chose de gentil, quelque chose de tendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que t'es belle ? Ton maquillage, je peux pas savoir. Le maquillage, j'enlève toujours avant de me coucher. Pas tous les jours qu'une femme qui est libre, comme ça... brusquement rencontre un homme qui lui plaît. Vous avez des yeux bleus. C'est calme, c'est reposant. Puis vous, au moins, vous parlez pas souvent. Tu voudrais peut-être que je te dise que je t'aime. Non. Alors. J'en ai marre avec les hommes qui parlent d'amour. C'est vrai. Ils en parlent tellement qu'ils oublient de le faire. En effet, Martine semble réellement souffrir de la solitude amoureuse et elle voudrait savoir si cet inconnu, qui n'est franchement pas sublime, c'est vrai, mais bon, quand on est seul depuis longtemps, tu sais, parfois on ferme les yeux. Et Martine voudrait savoir donc où en est cet homme dans la solitude. Je n'ai jamais eu de petite amie, faut dire que je suis pas jolie jolie. Je n'ai jamais eu de petite amie, faut dire que je suis pas jolie jolie. Dès que je me promène dans la rue, les gens sont comme des malotrus. Ils me regardent tous l'air médusé, ils me lancent des colibets. Martine, l'amie célibataire de Monique, est effrayée. La solitude de cet inconnu serait-elle que jamais ses mains calleuses n'auraient ressenti l'ondulation d'un corps féminin sous les assauts du plaisir? D'ailleurs, Martine s'interroge. Cet homme approche de la quarantaine, alors sexuellement, où en est-il exactement? Oh ben, pas la peine d'aller chercher loin, hein. La petite branlette, pas besoin d'aller chercher loin. La petite branlette, ça mange pas de pain, ça fait du bien. La petite branlette, ça dérange jamais les voisins. La petite branlette, c'est sur mesure, ça coûte rien. En tout lieu, à toute heure, la branlette, c'est le bonheur. C'est bien à portée de la main. Martine, l'amie de Monique, est affligée. Jean-Claude vient tout simplement de lui refourguer un quadragénaire solitaire option puceau. Franchement, c'est déprimant de récupérer des cas aussi désespérés. Monique trouve la vie trop injuste avec Martine, mais que peut-on faire, bon sang? Martine, elle, a déjà sa petite idée. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, je vais kidnapper Adjani et Sophie Marceau. Je vais leur faire bouffer des chips et des brownies à la pocheté jusqu'à voir apparaître deux gros ventres flasques. Au nom de toutes les pas jolies mais très gentilles, au nom de toutes les révoltées contre les hommes, je vais entrer par effraction chez les petits contombeurs de filles. Je vais leur faire guéli guéli pendant qu'ils dorment. Tout penaud du plan tout foireux qu'il a dégoté ce soir pour Martine, Jean-Claude fait profil bas bien sûr et ne moufte pas. De retour à la bagnole, Jean-Claude lui ouvre d'ailleurs galamment la portière. C'est alors que le célibataire endurci sort sur le trottoir car il s'inquiétait de la soudaine disparition de Martine. Et là, alors que Martine s'engouffre dans une Ford Falcon, ce malheureux est persuadé qu'on est en train de la kidnapper. Résultat, depuis une semaine, cet éternel solitaire est en pleine dépression. Disparu au coin de ta rue, je t'ai...